Léonce Vitariho. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Au deuxième jour de la rentrée scolaire 2016-2017, les fournisseurs d'eau vivre aux établissements à régime d'internat au chef-lieu de la province Gitega menacent d'arrêter la fourniture. Comme explication, les dettes que ces écoles ont envers eux ne font que s'alourdir. Une bonne partie des habitants de la province Makamba qui avaient fui le pays vers la Tanzanie voisine sont déjà rentrés. Jean-Pierre Misago nous en dira plus dans cette édition. Mardi 27 septembre, c'est la journée internationale du tourisme. Le représentant de la Chambre de l'hôtellerie et tourisme au Burundi affirme que ce secteur va mal actuellement dans le pays, vous l'entendrez. Et puis, dans la chronique santé de ce mardi, Francine Ndéokoubgaïo nous parlera de la ménopause chez la femme, mais aussi du comportement à adopter et pour la femme et pour son conjoint. Voilà pour le sommaire. La COPEC de Gihanga en province de Bubanza est fermée depuis ce lundi après le pillage qui y a été opéré dans la nuit de dimanche à lundi. L'un des employés de cette institution bancaire qui avait été arrêté pour interrogatoire a été relâché ce mardi, tandis que le policier et la sentinelle qui ont consommé de la drogue au moment du vol sont encore hospitalisés. Le point avec Space Caritas Kabanyana. Makobwa Claudine, une employée à la COPEC Gihanga, s'était présentée à la police judiciaire pour interrogatoire ce lundi et il a été obligé d'y rester. La détenue n'a été relâchée que ce mardi. La COPEC est donc fermée depuis ce lundi et les clients ne cessent de se lamenter, demandant la réouverture de cette institution bancaire. Beaucoup de récits qui permettent le retrait de l'engrais chimique aux cultivateurs ont été finalement retrouvés. Ils avaient été éparpillés par les voleurs et les officiers de police judiciaire qui ont fait le constat avec déclaré que ces récits avaient été aussi volés. Le policier et le veilleur qui gardaient la COPEC au moment du vol sont encore admis à l'hôpital puisqu'ils sont encore inconscients. À titre de rappel, des bandits non encore identifiés ont pillé 11 060 000 francs burundais à la COPEC et Gihanga dans la nuit de dimanche à lundi, après avoir donné de la drogue aux policiers et aux veilleurs qui gardaient ce bâtiment. Et la population de Gihanga disent qu'ils attendent la vérité chez ces deux hommes après la guérison. Merci Space. Un homme du nom de Jérôme Ndéokoubgaïo a été assassiné dans la nuit de lundi à mardi dans la commune Nyabikele en province de Karoussi. L'administrateur communal et la police de la place indiquent que l'homme a été tué à coups de bâton lui infligé par sa femme, aidé par deux autres personnes. Dans cette même province de Karoussi, un corps sans vie en décomposition a été retrouvé ce lundi dans la commune Wugenyuzi. L'administrateur parle d'un motard qui venait de passer quelques jours en disparition. Blaise Pascal Karoussi. Jérôme Ndéokoubgaïo a été battu jusqu'à rendre son âme dans la nuit de ce dimanche vers lundi, comme l'indique l'administrateur de la commune Nyabikere, les responsables de la police sur place, et cela c'est dans la province de Karoussi. Cela s'est passé chez lui, à la colline Mbabazi de cette commune de Nyabikere. Les responsables administratifs et policiers indiquent que Jérôme Ndéokoubgaïo a été battu par un groupe de trois personnes, dont sa femme et le frère de cette femme, lorsqu'ils venaient tous d'une fête de famille. Il faut savoir que ces trois personnes ont été appréhendées par la police et sont au cachot de police du chef-lieu de la commune Nyabikere. L'administrateur communal explique que l'ivresse a été la cause de ce meurtre. Un autre cas de meurtre a été signalé dans la commune de Bugenyuzi, où ce lundi a été découvert dans un buisson encore sans vie qui était déjà en décomposition. L'administrateur communal de Bugenyuzi fait savoir qu'il s'agit d'un motard de Bugenyuzi qui était disparu il y avait plus d'une semaine. Signalons qu'il n'y a pas une semaine qu'un homme venait de tuer son fils de 13 ans sur la colline de Gasegni de la commune Buhiga. Les trois morts font ainsi 25 personnes qui se sont révélées tuées par la population dans la province de Karoussi au cours de cette année. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Au deuxième jour de la rentrée scolaire 2016-2017, les fournisseurs de vivres aux établissements à régime d'internat au chef-lieu de la province Gitega menacent d'arrêter la fourniture par le fait que les dettes ne font que s'alourdir. La situation est ainsi au moment où les directeurs disent qu'ils ont commencé à se débrouiller avec les frais de Minerval du premier trimestre, mais cela ne peut que couvrir une dizaine de jours sur les 90 à peu près que compte le trimestre. Les précisions d'Arthur Kavawushi depuis Gitega. Les fournisseurs des vivres aux écoles à régime d'internat de la ville de Gitega indiquent que la décision de suspendre la fourniture des vivres ne serait pas inopportune, étant donné que ces écoles viennent de commencer une nouvelle année scolaire 2016-2017 avec une dette de 2 ans environ. Ces fournisseurs des vivres aux écoles grognent car ils utilisent l'argent des banques et celle-ci comptabilise les intérêts de retard quand les écoles tardent à payer. Cependant, ces fournisseurs des vivres donnent ici la raison qui les pousse à continuer la fourniture malgré les dettes. Certains directeurs contactés à ce sujet font savoir qu'ils se sont débrouillés en achetant de la nourriture à donner aux élèves pendant une seule semaine, car le minéval du premier trimestre ne paie durer que 10 jours sur 90 que compte le trimestre. Ils mentionnent qu'ils l'ont fait dans l'espoir que le ministère aura rendu disponibles les subsides au terme de cette semaine. Ces directeurs affirment qu'ils ont eu honte d'élaborer des bons de commande des vivres à présenter aux fournisseurs à qui ils doivent énormément d'argent, tout en mentionnant que les dettes des écoles à régime d'internat de Gitega envers les fournisseurs se comptent en termes de dizaines de millions et varient d'une école à l'autre. Ces directeurs demandent la revue à la hausse des subsides qui passerait de 800 francs au moins à 1000 francs par élève et par jour, du moment que les prix sur le marché ont sensiblement augmenté. Il ne manque pas d'indiquer que cette dette, au lieu de diminuer, continue à s'accumuler et qu'ils ignorent comment elle sera remboursée. Sachez qu'à la direction provinciale de l'enseignement à Gitega, presque toutes les écoles à régime d'internat sont endettées, excepté l'école Etessa, Enef, Ekoso et le lycée Bukirasazi. Arthur Kavawushi, Gitega, Radio Isanganiro. Le secteur du tourisme va mal actuellement. L'affluence des clients dans les hôtels a diminué sensiblement. Propos du représentant de la Chambre de l'hôtellerie et tourisme au Burundi, c'était ce mardi à l'occasion de la Journée internationale du tourisme. Denis Chimilimana indique que cela est dû au fait que les bailleurs de fonds traditionnels ont réduit sensiblement leurs aides au Burundi. Il appelle le gouvernement à adopter le visa touristique unique dans le cadre de l'intégration dans la communauté est-africaine. Suivez Denis Chimilimana. Je pense que dans l'ensemble, le secteur va mal. Il y a des raisons de le dire. Beaucoup d'hôtels ne voient plus de clients arriver dans leurs hôtels. Beaucoup d'hôtels ont chassé leur personnel, des fois jusqu'à plus de 50% de leurs effectifs. Je crois qu'il y a même des hôtels qui ont décidé de fermer une partie de leurs hôtels et pour éviter des frais généraux, des frais fixes assez importants. D'une part, les bailleurs de fonds traditionnels. Ici, je pourrais nommer l'Union européenne, la Belgique, l'Allemagne, à travers la GIZ notamment, la Hollande, la France. Des pays comme les États-Unis ont réduit sensiblement leurs aides. Ce qui fait que les cadres et fonctionnaires qui venaient superviser les différents projets qu'ils finançaient au Burundi ne viennent plus. Et donc au Burundi, nous connaissons surtout un tourisme de conférences et d'affaires, pas en tourisme de loisirs à la manière du Kenya, qui ont beaucoup de parcs. Le Burundi n'a pas encore adhéré au visa touristique unique de l'EAC. C'est un visa qui permet à un visiteur, à un touriste, de visiter les trois pays en même temps, surtout les investisseurs. Dans le cadre de l'intégration dans la communauté est-africaine, le gouvernement devrait rapidement ratifié, adopté le visa touristique unique. Les différences identitaires sont une richesse plutôt qu'une source de conflits. Ceci est l'un des points de convergence des leaders religieux et des politiques, selon Mgr Evariste Ngoyagoye, qui a participé dans une conférence internationale sur le rôle des médiateurs ce mardi. Des sources de conflits sont observées dans la sous-région car, dit-il, nous sommes dans une phase d'apprentissage de la démocratie. Suivez. Je dirais que nous sommes dans une phase d'apprentissage de la démocratie. Nous n'avons pas encore intégré dans nos valeurs les valeurs de la démocratie, les valeurs de respect de la personne humaine, les valeurs de respect de l'opinion de l'autre, les valeurs de respect de la parole donnée, les valeurs des institutions qui sont mises en place et qui doivent être respectées. Donc nous sommes dans une phase où la démocratie n'est pas encore vraiment adoptée comme mode de vie politique. C'est pour cela qu'il y a des crises. Et lorsqu'il y a des crises, il faut qu'il y ait des hommes qui puissent transcender ces crises pour qu'ils donnent des conseils, pour qu'ils donnent aussi des exemples de convivance. Le fait que nous sommes ici venant de confessions différentes peut être une occasion de montrer que c'est plutôt une richesse. De son côté, membre du parti CNDD-FDD au pouvoir et qui a également répondu présent dans cette conférence, il y a lieu de cohabiter dans la diversité. Suivez-le. Nous, en tant que politiciens ou les hommes politiques, nous devons absolument comprendre que dans notre diversité, toujours de cohabiter pacifiquement. Dans notre diversité, nous devons comprendre qu'il y a une recherche qui nous permet de nous compléter. Et par voie de conséquence, comme nous traînons toute une masse derrière nous, nous avons le devoir pour éduquer nos membres, nos adeptes, les amener à comprendre absolument que la diversité ne constitue pas une entrave pour la bonne cohabitation. Par contre, c'est un atout à pouvoir profiter. Parce qu'avec ça, on se complète. On n'est jamais complet. Donc, si nous parvenons à traîner nos membres, nos adeptes, à les faire comprendre que absolument chacun a besoin de l'autre dans la bonne cohabitation, on aura fait grand chose et ça sera notre rôle normalement dans la pacification et dans la prévention des conflits. Cette conférence internationale est sur le rôle des ombudsman et les leaders religieux dans la prévention des conflits identitaires et religieux se tient du 27 au 29 courant. Les taximans dénoncent le vol à main armée qui tend à devenir monnaie courante ces derniers jours à mairie de Bujumbura. Un certain Aboubakar Nakobedetse, s'est fait voler hier soir au sud de la capitale Bujumbura. Il informait que l'un des voleurs s'était d'abord familiarisé avec lui comme son client avant de commettre le forfait. Il demande à la police d'arrêter ce genre de banditisme. C'était vers 19h30 lorsqu'un client m'a téléphoné. Je suis allé reprendre à Kabondo. Arrivé là, j'ai eu des inquiétudes et je n'ai pas voulu entrer dans le quartier. Je suis resté à l'avenue du Large. Par après, j'ai accepté de retourner dans le quartier. Nous nous sommes arrêtés devant un portail et il a dit à son ami d'aller appeler un autre. Il est allé derrière le véhicule et puis l'autre a pris le pistolet afin de me tirer dessus, mais en vain. Nous nous sommes battus et il n'a pas pu me tirer. Et quand l'autre est venu, je lui ai poussé train loué afin de pouvoir sortir et c'est par là qu'ils ont pu voler ma voiture. Je voudrais juste lancer un appel au gouvernement afin de faire cesser ce genre de banditisme et devenir monnaie courante, puisque la semaine dernière, il y a un autre qui a été blessé dans une embuscade tendue par d'autres bandits. Le taximan Aboubakar Nakobedetse, traduit en français par Yves Nguzimana. Une bonne partie des habitants de la province Makamba au sud du pays qui avaient fui le pays depuis avril 2015 sont déjà rentrés. Affirmation du gouverneur de province, Gad Niungeko. Les habitants concernés qui se sont confiés à Isanganiro indiquent qu'ils retournent clandestinement suite à une vie difficile dans les camps des réfugiés. Reportage de Jean-Pierre Misago. La commune Nyanzalake, qui comptait à peu près 45 000 de 50 000 réfugiés de Makamba et dont plus de 33 000 ont déjà regagné leur patrie et se les a visités. Manirakiza Jukurani, une dame de Kabonga, dit avoir pris l'option de regagner sa commune natale car les conditions de vue dans le camp de Nyarugusu étaient dures et elle n'a pas averti le HCR. J'étais déjà dégoûtée par la vie dans le camp et je regrettais d'avoir pris le chemin de l'exil. Plusieurs sont ceux qui voudraient rentrer mais manquent le ticket, alors qu'il est à présent impossible de solliciter l'intervention du HCR, une agence onusienne. De son côté, Gabo Nathan, un écolier, dit avoir quitté son camp clandestinement avec ses frères. Nous sommes évadés du camp. Nous sommes passés par des chemins clandestins et nous sommes parvenus à déplacer tous nos bagages à travers la brousse jusqu'à la route. Kadini Ukuri, gouverneur de Makamba, dit avoir appris cela de ses rapatriés. Selon lui, le gouvernement burundais, en collaboration avec le HCR, compte organiser un rapatriement à tous ceux qui le désirent et qui ont manqué de moyens. Un plan de les rapatrier déjà là. Le ministère burundais de l'Intérieur et de la Formation patriotique, accompagné des représentants d'IHACER au Burundi, ont récemment visité le camp de transit de Musenya en commune Mabanda et l'ont trouvé adéquat et convenable et a d'ailleurs joué le même rôle en 2008. Et je pense que ces personnes sans moyens seront bientôt rapatriées. Mais en attendant, que ceux qui le peuvent continuent à rentrer afin de se préparer à la saison pluvieuse qui s'annonce pour ne pas toujours tendre la main aux bienfaiteurs. Alors que la majeure partie de ceux qui avaient fui ont déjà regagné Robert Kaye, d'autres prennent un à un le chemin de l'exil sans dire le motif, un phénomène dont l'existence est rejetée en bloc par le gouverneur de Makamba, arguant que c'est une pure manipulation. En actualité internationale, avant de suivre la chronique santé sur la ménopause chez la femme, d'abord au Gabon, Ali Bongo va prêter serment pour un deuxième mandat de 7 ans ce mardi après la validation de sa réélection par la Cour constitutionnelle. Aux États-Unis d'Amérique, on parle d'un premier affrontement musclé entre Hillary Clinton et Donald Trump lors d'un débat télévisé de ce lundi soir où la candidate démocrate à la Maison-Blanche a choisi d'adopter une stratégie d'attaque en exposant le passé de Donald Trump. En Colombie, l'accord de paix historique a été signé ce lundi par le gouvernement colombien avec les forces armées révolutionnaires de Colombie après 52 ans de combat. Les détails avec Didier Nyonzima. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba va prêter serment devant la Cour ce mardi en présence des deux chambres du Parlement. Trois jours seulement après la validation de sa réélection par la Cour constitutionnelle, Ali Bongo Ondimba sera investi pour un second septennat. Selon le porte-parole du gouvernement, le Tchadien Idriss Déby, président en exercice de l'Union africaine, sera représenté par son premier ministre, comme le Congo-Brazzaville, le Maroc et le Sénégal. Le Rwanda sera représenté par son président dit Sénat. Seuls deux chefs d'État avaient confirmé leur présence ce lundi soir, celui de Sao Tomé et Principe, Ibrahim Boubacar Keïta dit Mali. Aux États-Unis d'Amérique, le débat télévisé était très dense et tendu entre Hillary Clinton et Donald Trump ce lundi soir. La candidate démocrate à la Maison-Blanche a choisi d'adopter une stratégie d'attaque pour son premier échange d'une heure et demie avec son adversaire républicain. Selon la RFI sur son site web, jamais le passé de Donald Trump n'avait été ainsi exposé lors d'un débat en évoquant ses faillites multiples et des petites entreprises escroquées. Hillary Clinton était aussi à l'offensive sur le comportement raciste du candidat Trump, après notamment l'affaire de la nationalité du président Barack Obama. Hillary Clinton a ainsi remporté le premier débat. Et enfin en Colombie, après 52 ans de combat, un accord de paix historique a été signé ce lundi 26 septembre entre la guérilla des forces armées révolutionnaires de Colombie, FARC en sigle, et le gouvernement de Bogota. Selon France 24 sur son site web, le président Juan Manuel Santos et Rodrigo Londoño, chef des FARC, ont signé cet accord lors d'une cérémonie solennelle à Cartagena des Indes, au nord du pays. Tous deux sont en Paris vêtus de blanc, comme les 2500 invités, dont 250 victimes du conflit, entre autres personnes enlevées ou blessées, qui ont pu accéder à l'enceinte tendue de blanc et hautement sécurisée. Radio Isanganiro Chronique. La chronique santé de ce mardi va nous parler de la ménopause chez la femme. Cette étape inévitable